C'était un avocat, un authentique vicieux, un malfrat, un vrai couillon, tout un scélérat, une vraie partie de rat. Il laisse dans les deuils des poursuites, des injonctions, un beau cercueil, un monument en forme de moi, des tas de joie dites d'un enfant roi. Pourtant planifié cette magnifique journée, malheureusement.